je ne suis pas rock'n'roll. Rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll. Ah, que le rock'n'roll, j'aime pas le rock'n'roll. Ça pue le rock'n'roll, je ne suis pas rock'n'roll. Rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll, tomber. Ah, que le rock'n'roll, j'aime pas le rock'n'roll. Ça pue le rock'n'roll, je ne suis pas rock'n'roll.